Ce lundi à Assemblage requis, Martin Bertrand analyse les films d'action dans sa petite mythologie. Et Mathieu, en ses qualités de maître kung-fu, nous apprend comment retourner son matelas sans se blesser au dos. C'est à Assemblage requis, lundi, 15h.